Convaincu du bien fondé de mes rimes, j'écris la plume amère. Parfois dans l'océan du néant, ce sont mes mots qui s'abîment. Convaincu que quand je décide d'écrire, je fais un saut dans le vide. Mes phrases sont intrépides et mon flot plus que limpide. Convaincu que la vie mérite d'être vécue et qu'il ne faut surtout pas s'avouer vaincu. Que notre sourire peut être continué par nos potes, on sera jamais déçu. Là-dessus je suis bien plus que convaincu. Ce sont leurs avis que tu suis. Quand ça va pas, ce sont des larmes qu'ils essuient. J'espère que t'en es persuadé, en tout cas moi je le suis. Convaincu que dans ce monde chacun a sa place. Je prends le stylo avec ou sans glace. J'écris mes jambes basses, je trouve mon espace. J'écris ce qui se passe, mais le temps me dépasse. Convaincu qu'en étant uni, on est rarement vaincu. J'apporte ma foi, mais elle ne vaut pas un écu. Je ne peux m'appuyer que sur ce que j'ai vécu. Mon récit se résume par la rage que j'ai vaincue. Convaincu que l'amour est plus fort que la mort. Je viens prouver à ceux qui pensent le contraire qu'ils ont tort. Hier mot dans mon cœur, le tonnerre gronde encore. Mais ce n'est pas une raison pour garder son hardcore. Convaincu que je ne suis pas du tout un associable. J'avais raison de croire que notre amitié n'était pas fiable. En 5 ans, ton honneur n'a jamais été dans qu'il fable. Mais les déceptions fortifient, j'ai tourné la page, fin de la fable. Convaincu qu'on vit dans un monde où règne le chaos, dans lequel on se retrouve très facilement chaos. Et pourtant nous ne pouvons pas y faire grand chose, car les règles sont établies et décidées de là-haut. Convaincu que si l'on s'unit et que si l'on ose, peut-être qu'un jour on obtiendra gain de cause. Que l'égalité et la paix seront enfin mises sur le tapis, mais pour l'instant ça relève de l'utopie. Convaincu que le bonheur n'existe pas que dans nos rêves, que l'on peut vivre de bons moments, faire de belles rencontres sans arrêt. Que le pire de nos souvenirs est bien meilleur qu'il ne paraît, et qu'on ne verra plus dans les brefs que beaucoup d'enfants ont la crève. Convaincu que l'écriture me permet de rêver, de poser mes idées, de me poser, de me guider. C'est ma liberté qui s'exprime dans chacun de mes couplets. S'il vous plaît, ne mordez pas ma plume, c'est mon seul moyen de m'évader. Convaincu que la mélancolie sera perpétuelle. Écrire des bouts de phrases sur un cahier devient habituel. Mes pages ne sont plus blanches au grand désarroi de mes nuits. Mon ange gardien ne peut rien face au démon de minuit. Convaincu que la familia est partie pour durer. Guillermo en 2009, toujours aussi bien entouré. Mes rimes les écrivent, c'est toi qui les juges. Mélancolie perpétuelle, c'est la pluie avant le déluge. Mélancolie.